Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 61. De la création des anges. Les anges ont été créés par Dieu, non de toute éternité, mais avant le monde visible. 1. Tous les anges ont-ils une cause de leur être? Tous les anges ont une cause qui leur a donné l'être, et cette cause, c'est Dieu même. Aussi le psalmiste, après avoir dit « Ange, louez le Seigneur », a-t-il ajouté « Dieu a dit et tout a été fait ». Psaume 124, 2, 4. De même que tout objet enflammé a participé à l'action du feu, tout ce qui n'a pas l'être par soi a pour cause l'être qui existe par essence. Dieu seul existe par soi, tous les autres êtres existent par participation. En conséquence, les anges ont été créés par Dieu. Note. Quand l'ont-ils été? Dans l'opinion de saint Augustin, ils sont désignés par Moïse sous les mots ciel ou lumière. Mais on peut croire aussi que Moïse a omis d'en faire mention, de peur d'exposer un peuple grossier à tomber dans l'idolâtrie, dont il voulait tout particulièrement le détourner. Fin de la note. 2. Les anges sont-ils créés de toute éternité? Il n'y a que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui soient éternels. La foi catholique enseigne positivement que Dieu a tiré tous les êtres du néant, qu'il a tout créé dans le principe, et que les êtres n'étaient rien avant leur création. La volonté divine n'étant pas nécessitée à l'égard des anges, ils sont sortis du néant lorsque Dieu l'a voulu. 3. Ont-ils été créés avant le monde? Il y a deux sentiments parmi les docteurs sur ce point. Il est permis de penser, avec saint Grégoire de Nazianze, que les anges ont été créés avant le monde corporel, et tel est, en effet, le sentiment des docteurs grecs. Mais l'opinion contraire paraît plus probable, savoir, qu'ils l'ont été simultanément avec les êtres corporels. Il est dit dans la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1. Ces paroles seraient-elles vraies, si Dieu eût créé quelque chose auparavant? D'un autre côté, si les anges font partie de l'univers aussi bien que les corps, s'ils entrent dans la constitution d'un seul émanement où les relations réciproques contribuent au bien et à la perfection de l'ensemble, est-il à croire que Dieu, dont les œuvres sont parfaites, comme nous l'apprend le Deutéronome 32, 4, les ait créés séparément et à part, avant les autres créatures? 4. Les anges ont-ils été créés dans le ciel empyré? Il paraît convenable que les anges aient été créés dans la plus haute des sphères, appelée la ciel empyré, ciel suprême, ciel de feu ou cieux des cieux, peu importe. En effet, les corps et les esprits ne formant qu'un seul univers, et les esprits ayant été créés pour être mis en rapport avec le monde matériel, les anges ont dû être créés dans un lieu élevé, d'où ils puissent présider à l'ordre inférieur tout entier. Aussi saint Isidore dit-il que le ciel le plus élevé est celui des anges. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.